Chapitre 11 Dans le cristal. D'innombrables colonnes de basalte formaient à cette grotte un portique splendide. Les vagues en battaient les pieds, la lune en liserait les contours. On eût dit un orgue gigantesque dont la mer était le clavier. La barque s'engagea sous la voûte et l'étoile se mit à luire d'un nouvel éclat. Au fût de basalte, sévères et réguliers comme des colonnades grecques, succédèrent bientôt des arcades de stalactites étincelantes. Jamais l'architecture hindoue n'avait rêvé tant de dentelles. L'embarcation s'arrêta. Elle venait d'accoster un quai magnifique, taillé dans le cristal. Des colonnes prismatiques se pressaient les unes contre les autres, formant un vaste amphithéâtre, dont la base se perdait dans l'eau. Autour du plus grand nombre, le corail s'enroulait comme font les lianes, et retombait du haut de la voûte en girandole, tantôt purpurine, tantôt rosée. Les vagues roulaient des perles sur la plage. « Nous sommes arrivés, » dit Emmanuel. Les voyageurs quittèrent la barque qui s'éloigna et disparut. Hensel remarqua alors que la voûte était remplie d'étoiles prisonnières qui brillaient faiblement, comme si elles eussent été prises dans les glaces. « C'est là que nous emprisonnons les étoiles indociles, » dit Raphaël. Lasses d'étinceler éternellement à la même place, elles font l'école buissonnière. Mais le firmament est glissant et les folles tombent ici. Après quelques siècles de pénitence, nous les renvoyons à leur place première et vos savants inscrivent sur leur inventaire une planète de plus.